Guillaume est seul dans sa chambre. Il lit un livre. Tout à coup, un bruit. Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un? Demande-t-il. Mais le couloir est vide. Pourtant, le bruit continue. Puis, du fond de l'armoire, on entend une sorte de plainte. Qu'est-ce que c'est? Guillaume commence à s'inquiéter et à avoir peur. Il ferme les yeux. Il sent un vent chaud sur son visage. Puis, tout à coup... Mon Dieu, la momie! Pourquoi as-tu dérangé mon sommeil? Je n'ai rien dérangé, je... Si tu as lu le hiéroglyphe, la malédiction va te frapper. Mais enfin, je n'ai rien fait. Tu m'as réveillé et tu seras puni. Non, je vous en prie. Rien à faire. Général, je ferai tout ce que vous voulez, mais ne me tuez pas. Tout? Vraiment tout? Dans la rue, Guillaume marche très vite dans le noir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Se dit-il. Il arrive chez Paul et frappe à sa fenêtre. Il l'appelle. Paul! Hé, hey, Paul! Réveille-toi! Paul apparaît à la fenêtre. Tu es fou, tu vas réveiller tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Viens avec moi, c'est une question de vie ou de mort. Quelques minutes plus tard, Guillaume et Paul marchent dans la rue. Il fait nuit. On entend leurs pas résonner dans le silence. Ils arrivent devant la pyramide du Louvre. Bon, Guillaume, comment tu veux entrer dans le musée? Je ne sais pas. On peut casser un carreau? Avec quoi? Avec ça! Guillaume a une barre de fer à la main. On y va? Tu es fou, l'alarme va sonner! Tant pis, on n'a pas le temps. Général a été très clair. Dans une heure, il sera trop tard.